One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Frères en Islam, on continue toujours avec le tafsir de Sourate An-Najm, l'exégèse et l'essence de Sourate An-Najm, cette grande sourate du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette sourate mekwaz qui est plein d'enseignements et plein d'informations extrêmement bénéfiques pour le croyant. La dernière fois, on s'était arrêté au verset 29 et 30 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux ayats il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas accorder trop d'importance à celui qui أَعْرَضَ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا. Celui qui تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا, ça veut dire celui qui se détourne du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui met le rappel d'Allah azza wa jal derrière son dos, qui n'accorde pas d'importance à la vérité, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la révélation, à la guider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas trop se soucier d'une telle personne. Et on a déjà expliqué que les savants de tafsir, ils ont dit que ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invite pas vers Allah azza wa jal. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue de les inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne doit pas trop porter le souci de leur guider, de telles personnes, des gens qui ne cherchent pas la vérité, qui ne sont pas du tout intéressés par la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » Le genre de personnes qui ne veulent que la dunya, en fait. C'est très clair que ça, c'est leur intention. Ils ne sont pas intéressés par la vérité. Ils ne cherchent que la dunya. Allah Azza wa Jal, il dit, ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Et si je me rappelle bien, c'était là, quand c'était arrêté, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là, leur science, leur connaissance, c'est ça sa limite. Ça ne dépasse pas la dunya. Ils ne cherchent pas à comprendre plus, à aller plus loin dans leur perspective, à comprendre l'akhirah, à comprendre l'ghaïb, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Certes, c'est ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Huwa, c'est lui. Ça veut dire c'est seulement lui. Ça, c'est al-hasr, c'est pour l'exclusivité. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Huwa a'lam biman dalla an sabilihi, celui, l'état de celui qui s'est égaré de son chemin et celui qui cherche la guider biman ihtada. Et on a dit que les savants, ils ont mentionné pourquoi est-ce que très souvent Allah Azza wa Jal, il mentionne ces gens-là qui sont égarés avant de mentionner les gens qui sont guidés, parce que ici à Siyak, le contexte des ayats, ça attaque ces personnes-là, les ennemis du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et de ce fait, il y a de façon implicite une menace, un avertissement envers ces gens-là qui sont les ennemis du prophète Muhammad alayhi as-salatu wa as-salam. Ils disent ici les ulama, وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْإِيمَانِ بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Alors, si vous rappelez bien, ça c'est un rappel important, on avait dit comment se fait-il que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs ayats de cette sourate, dans plusieurs contextes, il nous rappelle que ces gens-là, ils ne croient pas en la akhira, ils ne croient pas en l'au-delà. Sachant qu'il y a parmi les mouchidikines, des gens qui croyaient de façon générale en l'existence d'un jour du jugement dernier, qu'il va avoir peut-être al-jannah auprès d'Allah azza wa jalla et ainsi de suite. Donc, on avait déjà expliqué, les ulama, ils disent, pourquoi ces gens-là, malgré tout, ils ne croient pas à la akhira? Qui pourrait nous rappeler? Pourquoi est-ce que, malgré le fait que certains parmi eux croient une certaine existence après la mort, mais pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, malgré cela, il nous dit que ces gens-là ne croient pas à la akhira? Qui pourrait nous rappeler? Oui. Ils croient à leur manière. Très bien. Donc ça, c'est de un. Ceux qui croient à leur manière, ne croient pas de la façon de laquelle Allah Azza wa Jal, il a vraiment créé l'akhirah, ce que Allah Ta'ala il a dit à propos de l'akhirah, ils croient à leur manière. Ils croient par exemple que, comme on a dit, que dans l'akhirah, vu que moi je suis bien traité dans la dunya, Allah il m'a donné la richesse, la puissance, je suis quelqu'un d'important. S'il y a l'akhirah, je vais aussi être quelqu'un de très important. إِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Certains croient, comme on a déjà mentionné, que ah, c'est pas de problème. On invoque les anges et ainsi de suite, et ces créatures-là, ils vont nous faire la chafa'a, l'intercession, et on sera pardonné. Donc, ils croient à leur façon. Et il y avait un deuxième point aussi, pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en l'akhira malgré tout? Parce qu'ils n'avaient pas la certitude, le yaqin. C'était au cas où. Oui, il se peut qu'il y ait l'akhira. Il se peut. On n'est pas certain. Je n'écarte pas cette possibilité qu'il y ait une vie après la mort, qu'il y ait le paradis. Mais ce n'est pas certain. Je ne prends pas ça comme une certitude. Donc ça, ce n'est pas l'iman. Parce que l'iman, ça doit être fondé sur la certitude. Et numéro 3 aussi, parce qu'il ne travaille pas pour l'akhira. Il n'œuvre pas pour l'akhira. C'est pour ça qu'il dit ici les ulama, لو أنهم, لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادوها ولو ببعض أعمالهم. Si ces gens-là, ils croyaient en l'akhira, ils auraient cherché l'akhira, voulu l'akhira, ne serait-ce que par certaines de leurs actions. Donc, rappelons toujours ça, ce point-là qui est encore une fois relié à la nature de l'iman, de la foi, qui est d'une nature dynamique, qui a dit « Wayankos », la foi n'est pas uniforme, l'iman n'est pas uniforme entre tout le monde, et que entre une personne X et une personne Y, le degré de iman n'est pas nécessairement le même. Si on parle de deux personnes qui sont mu'minines, il y a un qui pour la grande majorité de ses actions, il veut la akhira. Il y a l'autre personne qui a iman moindre, qui pour moins de ses actions, il veut quoi? La akhira. Et pour pas mal de ses actions, il veut la dunya. Cette deuxième personne n'est pas nécessairement un kafir. Parce que la croyance dans la akhira, elle existe dans sa vie. Il veut la akhira. Mais avec quoi? Moins d'action. Avec certaines actions, il veut la dunya, il veut le respect des autres et ainsi de suite. Et avec certaines actions, il veut parfois l'akhira, l'adr auprès d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas quelqu'un qui est mu'min qui ne fait pas d'action par lesquelles il cherche la akhira. Il ne fait jamais d'action pour se rapprocher d'Allah Ta'ala pour l'akhira. Ça, c'est quelqu'un qui est kafir billah Azza wa Jal. Il ne croit pas en l'akhira. Chaque mu'min, même celui qui a iman qui est faible, il a des actions ici et là à travers lesquelles il cherche de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمُ وَفِيهِ تَحْقِيرٌ لَهُمْ وَازْدِرَاءٌ بِهِمْ بِقُصُورِ مَعْلُومَاتِهِمْ. Lorsque Allah Azza wa Jalla, il dit, ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمُ leur science, leur connaissance, c'est ça sa limite. Ça ne dépasse pas cette limite de ad-dunya. Ça aussi, il y a une certaine humiliation, un certain rabaissement que Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans cette ayah de ces gens-là. Ça veut dire, ça c'est pas, comment on dit ça, c'est quelqu'un qui a un niveau très, très bas. Il faut pas t'attendre qu'il va comprendre certaines choses. On dit ça parfois quand on parle dans, même dans l'uloum, les sciences de la dunya, on essaye de faire comprendre à quelqu'un, puis après ça on va dire, ça c'est un miskin, son niveau il est très très bas, il faut pas trop essayer de lui expliquer ça. Bien sûr, dans la dunya, il se peut que quelqu'un soit excusé, soit pardonné s'il ne connaisse pas, s'il a un certain niveau qui est bas dans la dunya, mais dans l'ilm de l'akhira, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ici il n'y a pas d'excuse. La prochaine ayah maintenant, avec laquelle on va commencer avec le nouveau contenu pour aujourd'hui, c'est la ayah numéro 31. Donc, la ayah numéro 31 et la ayah numéro 32 sont très importantes dans Surat An-Najm. Elles sont liées ensemble. On va parler des péchés, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et à Allah, ça veut dire, et à Allah seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Pas seulement « man », mais ça dit aussi « ma ». Donc « man », c'est pour « alladhi ya'qil ». Quand Allah Azza wa Jal, il dit « man fis samawat wa man fil ard », ça c'est pour les êtres vivants. Ça va inclure les êtres humains et les malaïkas et les djinns. Mais lorsque ça dit « ma », ça inclut tout, même les objets, ce qu'on appelle les solides. Toute chose qui est dans les cieux et dans la terre, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا afin que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْزِيَ qu'il rétribue الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ceux qui ont fait le sou. أَسَاءُوا c'est celui qui agit mal, ça vient de sou. Donc il y a celui qui agit bien, celui qui agit mal. Celui qui agit bien, on va dire أَحْسَنَ tu as bien fait. Celui qui a agi mal, qu'est-ce qu'on va dire? Tu as mal agi, tu as mal fait. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu. Ceux qui ont fait le mal, Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer pour ce qu'ils ont fait. Ils vont avoir la conséquence de leurs actions. Wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Et aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il va rétribuer ceux qui ont fait l'ihsan, qui ont bien agi. Allah Ta'ala va les rétribuer, leur conséquence sera la al-husna. Donc ici ils disent les ulama, liyajziya Allahu alladhina asa'u al-amala jazaa'a ma 'amiluhu min kufrin aw 'isyan. Ceux qui ont fait le kufr ou le 'isyan, la désobéissance, Allah Subhanahu wa Ta'ala va leur donner la rétribution pour ça. Ceux qui ont fait l'iman et l'ihsan, les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla va leur accorder al-husna. C'est quoi al-husna? Ils disent ici plusieurs des grands ulama de tafsir, incluant Imam Tabari, Sam'ani, Ibn Atiyya, Ibn al-Jawzi, Al-Qurtubi, Al-Shawkani et d'autres. Ils ont dit qu'al-husna ici dans cette ayah, c'est al-jannah, c'est le paradis que Allah Azza wa Jalla, elle va accorder comme rétribution, comme récompense pour ceux qui ont bien agi, que ce sera al-jannah. Qila inna qawlahu li yajziya. Donc là, remarquez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit li yajziya. On a harfu al-lam, on a yajzi, ça c'est le verbe yajzi, il rétribue. Lorsqu'il va avoir harfu al-lam, ici ça peut ajouter certains sens, comme le sens de afin de. Donc ça c'est comme deux mots qui sont, ça c'est comme un mot, le verbe ici qui est lié à harf. Harfu ma'na ici, c'est une lettre qui vient pour apporter un sens de plus. C'est afin qu'il li yajziya. Alors c'est pour ça qu'ils disent ici les ulama li yajziya muta'alliqun qila innahu muta'alliqun bi qawlihi huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Donc là qu'est-ce qu'il y a dans la aya juste avant? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Walillahi ma fi as-samawati wa ma dans la aya juste avant. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Ton Seigneur, c'est lui qui connaît plus l'état de celui qui s'est égaré de son chemin et l'état de celui qui est sur la guidée. Après ça, cette ayah, ça commence. Allah Ta'ala, il a ce qui est dans les cieux et ce qui est sur cette terre. Donc certains ulama, ils disent ici que ça, c'est comme on appelle ça ici, jumlatun mu'tarida. C'est comme lorsqu'on va mettre une information entre parenthèses. En passant cette information, et là on revient. Donc là, le sens ce serait quoi? Allah Ta'ala, c'est lui qui connaît l'état de celui qui est égaré et l'état de celui qui est guidé. Liyadziya, afin qu'il donne la rétribution. Même si entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Allah Azza wa Jal appartient ce qui est dans les cieux et dans la terre. Fa idha kana a'lama bihim jaza kullan bima yastahiqqa li anna natijata al-'ilm bid-dall wal-muhtadi jazaa'uhuma. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, il connaît l'état de celui qui est égaré et l'état de celui qui est guidé, Allah Ta'ala, il va quoi? Donner la rétribution. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, Rabbul Alamin, il connaissait, il savait l'état de chacun et les actions de chacun, mais que Allah Azza wa Jal ne donnait pas de conséquences pour ça, Allah Azza wa Jal, Ta'ala, Allahu an dhalik, il ne serait pas juste. Ta'alallahu an dhalik. Si Allah Azza wa Jalla, il savait que telle personne fait le bien, telle personne fait le mal. Il sait, il connaît ça, subhanahu wa ta'ala. Mais qu'il n'y a pas de conséquences. Là, ça ne serait pas quoi? De justice. Allah Azza wa Jalla, ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la conséquence selon ce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala. Chacun, bien sûr, selon ce qu'il mérite. Aussi, les ulama, ils disent, « Fi qawlihi ta'ala, liyajziya alladhina asa'u bima amilu, anna as-sayyi'ata la yujaza al-insanu bi akthara minha. » Parmi les leçons tirées de cette ayah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas pour la mauvaise œuvre une rétribution plus que ce qu'elle mérite. Parce que ceux qui ont fait le mal, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce que Allah Ta'ala il dit? Ceux qui ont fait le mal. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Ils vont avoir la rétribution pour ce qu'ils ont fait. C'est tout. Ils ne seront pas, n'auront pas de conséquences pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc auprès d'Allah Azza wa Jal, la punition d'une mauvaise personne, malgré qu'elle est mauvaise, c'est la punition pour ce qu'elle a fait. C'est pas parce qu'elle est mauvaise qu'elle sera punie aussi pour ce qu'elle n'a pas fait. Elle sera punie selon ce qu'elle a fait. C'est ça la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma indama dhakara jaza' al-muhsin, mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné alladhina ahsanu, ceux qui ont fait le bien, Allah ta'ala n'a pas mentionné la conséquence de leur actions. Il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, la conséquence de qui ils sont. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Il va avoir la conséquence pour le fait qu'ils sont muhsinin, des bienfaisants. Et leur récompense sera al-husna, le paradis auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala n'a pas dit pour que aussi ceux qui ont fait le bien, ils vont avoir la rétribution de leurs actions. Si c'était comme ça, ça sera juste pour l'action que le croyant l'a fait. Il y aura juste la récompense pour son action. C'est tout. Non. C'est pour ça qu'il dit ici, عندما ذكر جزاء المحسن أتى بالصفة التي تقتضي التفضل وتدل على الكرم والزيادة للمحسن بالحسنى. Allah Ta'ala, regardez. Qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا. Eux, ils sont qui? أَحْسَنُوا. Rappelez-vous toujours, quand on dit أَحْسَنُوا, أَحْسَنَا, il a fait le bien. On va dire à quelqu'un, أَحْسَنْتَ. Bien joué. Tu as bien fait. أَحْسَنُوا. Leur récompense, c'est quoi? C'est الْحُسْنَى. Ce qui est une référence, comme on a mentionné selon plusieurs savants, c'est Al-Jannah, c'est le paradis. Mais là, la récompense, le mot Hasanun, ça vous rappelle quoi? Et si la racine, ces trois lettres-là, Hasanun, ça vous rappelle quoi? Quels autres mots ça vous rappelle? Hasanun. Hasana. Quoi d'autre? Il y a plein d'autres mots qu'on connaît. Ihsan, barakallahu fik. Donc ici, Hasanun, ahsanu, vu que eux, ahsanu, ça veut dire ils ont fait le ihsan. C'est quoi le ihsan? L'excellence. La bien, c'est faire les choses très très bien. Ça inclut aussi le sens ici de quoi? De du plus, de la générosité. Quand on va dire quelqu'un ahsana ila an-nas, muhsinun ila an-nas. Al-muhsin ila an-nas, c'est pas celui qui est juste ce qu'il faut. Si quelqu'un, tu lui as promis un salaire de tel, s'il fait tel travail, accomplit telle chose, tu vas recevoir $500. Il a bien fait son travail, tu vas lui donner $500. Ça, on appelle ça la justice, adl. Al-ihsan, c'est pas $500. Ihsan, c'est tu as très bien travaillé, voilà 500 et bonus avec, prends plus. C'est clair? C'est ça ici le sens de l'ihsan. Alors, vu qu'Allah Azza wa Jal, il dit que leur récompense, ces gens-là, ce sera al-husna. Al-husna, encore une fois, c'est al-jannah. Mais ça vient avec cela, تدل على الكرم والزيادة للمحسن. Ça vient avec un sens ici de générosité, de plus que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une récompense plus que ce qu'ils méritent. La récompense du bien, des bonnes œuvres, c'est plus que ce qu'ils méritent. Ce n'est pas comme la récompense du mal. C'est clair ? لأن الله لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. Car la générosité d'Allah Azza wa Jal, elle est plus grande, plus vaste que nos actions. Rappelez-vous ça, très important, encore une fois. لأن فضل الله, la générosité d'Allah Azza wa Jal, elle est plus grande, plus vaste que nos actions. أوسع من أعمالنا. فأنت إذا فعلت حسنة فتكون عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله. Car lorsque tu fais les bonnes œuvres, tu vas avoir au moins 10 multiples pour chaque hasana, pour chaque bonne œuvre, jusqu'à 700 multiples, jusqu'à beaucoup plus. Et ça, encore une fois, c'est toujours une indication vers ces deux attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont al-adl. La justice est quoi le ihsan? Inna Allah ya'muru bil adli wa al ihsan. Allah Ta'ala il ordonne la justice, al adl, ainsi que al ihsan, la bienfaisance. C'est ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala il veut de nous. Et Allah Azza wa Jal, il est celui qui à qui on attribue, on le connaît par sa justice absolue et par son ihsan qui est absolu, parfait. De ce fait, Allah Azza wa Jal, il réserve à ceux qui font le mal quelles conséquences? La justice. Ça, c'est pour ceux qui font le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve aux croyants sa générosité, son ihsan subhanahu wa ta'ala. Ihsan, c'est soit de donner plus à la personne, de lui donner plus que ce qu'elle mérite, ou c'est de lui pardonner son mal. Allah Azza wa Jal, il pardonne plusieurs choses, plusieurs torts aux croyants. Ça, ce n'est pas de sa justice, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est min fadlillahi Azza wa Jal. Ça, c'est de sa générosité. C'est pour ça, ici, dans notre aqida, dans notre croyance, qu'est-ce qu'on a? On a la différence entre al-wa'du wa al-wa'id. C'est quoi la différence? Qui peut nous rappeler c'était quoi la différence entre l'ouad ou l'ouaïd? Si je me rappelle bien, on avait déjà parlé de ça dans les ayats avant. Quelle était la différence entre le ouad et entre le ouaïd? Le ouad, c'est une promesse. Et le ouaïd, c'est plus dans le sens de menace. Donc, c'est ça. L'ouad, c'est une promesse en général. Mais ça vient surtout dans la promesse de quelque chose qui est bien. Al-wa'id, ça se rapproche, mais c'est une menace ici. C'est lorsque tu promets à quelqu'un le mal, tu vas voir. Ça s'appelle ça quoi? Yatawa'aduhu. On ne dit pas ya'iduhu. On dit yatawa'aduhu. Allah Azza wa Jal, la yukhlifu wa'dah. Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse, elle est toujours véridique. Elle va toujours se concrétiser. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il promet le bien, il va donner le bien et plus que ce que la personne elle attendait. Mais le wa'id d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ta'ala, il veut, anfadahu, il va l'appliquer. Si Allah Azza wa Jal, il veut, il va pardonner à la personne. C'est clair? Ça, comme on a dit l'autre fois, rappelez-vous les groupes ici qu'on avait appelés qui sont les wa'idiyya, c'était quel groupe? Les deux groupes, les Khawarij ainsi que les Mu'tazila. Rappelez-vous, je veux dire les deux groupes qui ont une croyance extrême sur ici, entre autres leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas fait la distinction entre le wa'd et le wa'id. Ils ont dit celui qui a fait le mal, celui qui a commis un péché, kafir, jahannam. Non, non, pas de pardon, il n'y a pas de shafa'a, pas d'intercession, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Allah il a promis, c'est comme ça que ça va être. Ils n'ont pas fait la distinction entre l'ouad et entre al-wa'id. وَإِنَّمَا يَقْدِرُ عَلَى مُجَازَاتِ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا al-mulki. Aussi, pourquoi est-ce que dans cette ayah, Allah Azza wa Jal, il parle de sa rétribution qu'il va donner à ceux qui font le bien, ceux qui font le mal? Et la ayah a commencé par quoi? Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui le maître des cieux et de la terre. C'est lui qui possède les cieux et la terre et ce qui est. Donc, de ce fait, c'est lui le seul qui peut donner la rétribution, subhanahu wa ta'ala, et la conséquence. Taïb, al-husna, on avait dit que c'est le... C'est quoi al-husna? Le paradis. Si al-jannah, selon plusieurs grands savants de tafsir. Et s'il y a l'imam Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il va encore plus vaste. Al-husna, ici, il explique par un sens plus vaste. Il dit, hiya al-halatul hasana fi dunya wal-akhira. Al-husna, c'est l'état qui est hasan, le bon état, dans la dunya et dans la akhira. Ça veut dire la récompense pour ceux qui ont fait ahsanu, qui ont fait le bien, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal, Jannah, dans l'akhira, mais c'est même dans la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le bien même dans la dunya. Al-halatu al-hasana. Quand on parle du bien ici, on ne parle pas nécessairement des biens matériels, comme certaines personnes pourraient penser. Ça veut dire que si quelqu'un il fait l'ihsan, il va devenir riche. Il va devenir en forme et riche. Ce n'est pas ça le sens. Le sens ici, c'est avant tout dans le cœur. Allah Azza wa Jal va leur donner al-hayat ou al-tayyiba, comme Allah Azza wa Jal, il a promis le bonheur dans cette vie du bas-monde. Et dans l'akhira aussi, il dit « وَأَكْبَرُ ذَلِكَ وَأَجَلُّهُ رِضَى رَبِّهِمْ وَالْفَوْزُ bi na'imi al-jannah. C'est que dans l'akhirah, c'est pas seulement al-jannah. Encore une fois, quand on parle de al-jannah, on parle pas seulement al-jannah dans le sens de la récompense matérielle dans l'akhirah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais aussi al-husna dans l'akhirah, al-jannah, ça inclut la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal sera satisfait de eux, subhanahu wa ta'ala. طيب, la ayah après maintenant, ayah numéro 32. Allah Azza wa Jal, il nous décrit dans cette ayah ceux qui sont ahsanou. Donc, l'essentiel, la majorité de cette sourate Najm, ça parle de quel type de personne? Jusqu'à date, la majorité de cette sourate parle de quel type de personne? Quelle catégorie de personne? Ceux qui rejettent. Ça parle des mouchriquins, des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel de cette sourate parle de ce type de personnes. Mais il y a ici cette ayah numéro 32 qui parle de « Alladina ahsanu » ceux qui font le bien, les bienfaisants. Qui sont ces personnes? Il faut définir ce qui les gens qui sont « ahsanu ». Quelles sont les personnes bienfaisantes? Juste quelque chose d'intéressant comme ça. Quand on dit, c'est quoi là, vertu? Ouais, c'est ça. Donc, quand on dit as-salih, as-salihuna, comme Riyad ou salihin, habituellement, as-salihuna, on va traduire ça comme les vertueux. Riyad ou salihin, le jardin des vertueux. Parfois, on va dire les pieux, parfois, on va dire les vertueux. Cette semaine, juste comme ça, j'avais tapé sur Internet « vertueux moteur de recherche ». Vous savez, parfois, les définitions qui sortent en haut, dans la page des résultats, de façon automatique. Ah, je sens même que je cherche la définition. Mais la définition que ça me sort dans un dictionnaire occidental, « les vertueux égale ceux qui ne commettent pas les péchés ». Ceux qui ne commettent pas de péchés. Donc, je vais assumer que, encore une fois, dans une vision chrétienne, le vertueux, c'est celui qui ne commet pas de péché. Dans l'islam, ce n'est pas la même chose. Et cette ayah ici, elle nous renseigne beaucoup sur ça. Alors Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala, « Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Azza wa Jalla il dit subhanahu wa ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi, ceux qui évitent les kaba'ir, les majeurs de l'ithm, des péchés. Ça veut dire ceux qui évitent les péchés majeurs, ainsi que les fawahish. Habituellement, traduit par les turpitudes. Mais rappelez-vous ici du mot fawahish, parce que c'est de ce mot qu'on va parler tout à l'heure, inshallah. Illa al-lamam, excepté le lamam. On va expliquer c'est quoi al-lamam. Donc jusqu'à maintenant, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'on a? Allah Azza wa Jal, il nous dit que ceux qui sont bienfaisants, alladhina ahsanu, ils évitent kaba'ir al-ithm. Kaba'ir al-ithm, c'est pas compliqué à comprendre, c'est les péchés majeurs. Donc ça, c'est les al-kaba'ir. Ils évitent al-kaba'ir, péchés majeurs. Ils évitent aussi al-fawahish. Donc il y a ça, plus ça, excepté, il y a une exception ici qui est pour al-lamam. Après ça, Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka wasi'u al-maghfira. Certes, ton Seigneur, il est celui qui a un pardon qui est vaste, un grand pardon, celui qui est à qui on attribue, celui qui est connu pour son pardon qui est très très vaste. Inna rabbaka wasi'u al-maghfira. Après ça, il y a une deuxième partie de l'ayah dont on va traiter dans un moment, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc commençons par ça. Alladhina ahsanu, ay ahsanu wajtanabu kaba'ir al-ithmi wal fawahish, ay fa'alu al-hasanat wajtanabu al-manhiyat wa dhalika jami'u at-taqwa. Donc là, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à propos des croyants? Alladhina ahsanu. Lorsqu'on dit quelqu'un ahsana, qu'est-ce qu'on comprend de cela? On dit quelqu'un, il est muhsin, bienfaisant. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Il fait des bonnes actions. Barakallahu fik. Donc déjà ici, on a un sens quoi? Actif, d'accomplissement. Quelqu'un qui ne fait rien. Il est assis, les bras croisés. On ne va pas dire il est muhsin. Quand on dit quelqu'un, il est muhsin, en train de faire le bien. Yuhsinu, il a des hasanat. Et en même temps, ils font le bien, mais aussi ça nous parle dans la ayah juste avant d'un évitement. Ils évitent le mal. Yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wa al-fawahish. Et il dit ici que c'est ça le sens de at-taqwa. La taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de faire les bonnes œuvres et d'éviter la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا تمديه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان لأن فعل سيئات ينافي وصفهم بالذين أحسنوا. Car si quelqu'un fait le mal, est-ce qu'on peut vraiment le décrire comme étant un bienfaisant? Quelqu'un fait beaucoup de mal à droite et à gauche. Est-ce qu'on peut l'appeler lui un bienfaisant? Non. Et en même temps, فَإِنَّهُمْ إِذَا أَتَوْا بِالْحَسَنَاتِ كُلِّهَا وَلَمْ يَتْرُكُوا السَّيِّئَاتِ كَانَ فِعْلُهُمْ سَيِّئَاتِ غَيْرَ إِحْسَانٍ وَلَوْ تَرَكُوا السَّيِّئَاتِ وَتَرَكُوا الْحَسَنَاتِ كَانَ تَرْكُهُمْ الْحَسَنَاتِ سَيِّئَاتِ. Et en même temps, celui qui ne fait pas le mal, fait pas du tout le mal, mais qui ne fait pas le bien, lui aussi, on peut pas l'appeler quoi? Bienfaisant. Si quelqu'un fait le bien et fait beaucoup de mal, lui, on peut pas dire il est muhsin, on peut pas dire il est bienfaisant. Criminel, on peut pas dire il est bienfaisant parce qu'il a fait salat et charité ici et là, mais il fait beaucoup, beaucoup de mal. On peut pas l'appeler muhsin. Et en même temps, celui qui ne fait pas du tout du mal, fait du mal à personne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment on dit, fait du mal à personne. Mais il ne fait pas du bien aussi. Fait aucun bien. Lui aussi n'est pas muhsin. Donc il faut les deux composantes. Il faut que quelqu'un fasse les bonnes œuvres activement. Et il faut aussi que quelqu'un évite le mal, surtout les kaba'ir ainsi que les fawahish. C'est clair? Al-ithm. Oui. Ça, c'est une définition du ihsan ou de la taqwa? Ça, c'est la taqwa et c'est aussi le sens de al-ihsan. Donc, même le ihsan, ça peut prendre deux sens. Ça prend le sens plus général, comme on a dit. Ihsan, c'est, au sens le plus général, c'est être une bonne personne qui fait le bien, qui évite le mal. Et le sens plus spécifique, ça réfère à ihsan fil amal. Tu es en train de faire activement des bonnes œuvres. Mais comme on a dit, le sens général, parce qu'on s'entend tous que si quelqu'un fait le bien, mais que quelqu'un fasse beaucoup de mal, certaines choses très graves, on ne va pas l'appeler Muhsin. On ne va pas l'appeler Muhsin. On ne peut pas l'appeler Muhsin. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un aujourd'hui, il a attaqué physiquement à tort 15 personnes à 15 différents lieux, Mais aussi, il dit, je fais beaucoup de sadaqa aujourd'hui, j'ai des orphelins, des pauvres, j'ai fait beaucoup de bonnes, j'ai dit de belles paroles à certaines personnes. On ne peut pas l'appeler Mohsen. On ne va pas dire aujourd'hui tu es bienfaisant. Bien fait, alhamdoulilah. Donc le ihsan, ça inclut un peu les deux. Allah Ta'ala, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ, ils évitent les kabair de al-ithm. Al-ithm, c'est péché. C'est comme ça qu'on traduit habituellement. Ithmun, c'est un péché. Mais pourquoi ça vient? Ça vient de quoi exactement? Ils disent, أَصْلُ أَثَمَ يَدُلُّ عَلَى الْبُطْءِ وَالْتَأَخُّرُ وَالْإِثْمُ مُشْتَقُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَا الْإِثْمِ بَطِيءٌ عَنِ الْخَيْرِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ. Donc, le mot ithmun, ça vient de la racine athama, qui réfère à un sens de celui qui est lent, slow, et celui qui est derrière, en arrière, ta'akhar, les pas en avant, parmi ceux qui sont en arrière. Alors, pourquoi est-ce que les péchés, ça s'appelle ithm en arabe, entre autres? C'est parce que celui qui commet les péchés, il est derrière, il est lent dans le khayr, dans le bien, muta'akhirun ani al-khayr. C'est pas, il n'est pas en avant parmi les personnes qui ont des hasanat et ainsi de suite. Wa aydan li'anna al-athama mubatti'atun ani al-thawab. Et aussi parce que les atham, les péchés, c'est quelque chose qui nous éloigne et qui nous retarde de la récompense. Donc c'est pour ça qu'ils disent que dans la langue arabe, al-ithm ou bien le péché, ça réfère, ça s'appelle al-ithm. Oui. Oui, on va parler de ça maintenant, Inch'Allah. Taïb, al-fawahish. Donc, commençons par al-fawahish. On a le kaba'ir, plus facile à comprendre au début, c'est les péchés majeurs, même si on va revenir à ça, Inch'Allah. Li-fawahish. Habituellement, en français, on traduit ça comme les turpitudes. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Jam'u fahishatin, wa huwa ma'azuma qubhuhu min al-kaba'ir. Li-fawahish, c'est le pluriel de fahisha. Et al-fahisha, c'est quelque chose qui azuma qubhuhu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est azuma qubhuhu? Quelque chose qui est dégueulasse, qui est répugnant. Min al-kaba'ir, parmi les kaba'ir. Donc il y a des kaba'ir, et il y a des kaba'ir qui sont quoi? Répugnantes, fahish, c'est dégueulasse. C'est clair? C'est ça ce qui s'appelle. Parce que dans la langue arabe, kullu shay'in jawaza qadrahu, فَهُوَ فَاحِشٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَا يُتَكَرَّهُ. Dans la langue arabe, toute chose qui est mauvaise, il faut que ce soit quelque chose de mauvais, et qui dépasse un certain seuil, on va dire, on va appeler ça quoi? فَاحِشٌ. Peut-être on va voir ça plus tard, quand on va faire le fiqh de la tahara, de la purification. Parfois les ulama, lorsqu'ils parlent de najasa, par exemple najasa, les impuretés, يسير النجاسة, il y a parfois une quantité très négligeable de najasa, d'impureté qu'on peut quoi? معفون عنه, qu'on pardonne. Mais ils disent, ou un autre exemple ici encore meilleur, le sang. Dans certaines situations, ils parlent du sang, par exemple. Est-ce que le sang, la sortie du sang, est-ce que ça brise le, est-ce que ça rend le wudu ou non? Est-ce que c'est najis, c'est pas najis? Donc là, ils vont faire la distinction entre ma kana yasiran, ce qui est très très peu ma'foun anhu, et ils disent parfois ma fahusha. C'est quoi ma fahusha? Ma'azuma, quelque chose, lorsque ça devient en grande quantité, et on comprend qu'une najasa ou du sang qui coule, c'est quelque chose qui est répugnant. Donc quand on dit fahusha, on n'utilise pas ça habituellement pour des choses qui sont bonnes, mais qu'on va dire, il y en a trop. C'est clair? On va dire parfois « al-ghala ou al-fahish », même de nos jours, lorsqu'on fait référence à une flambée de prix. Les prix, c'est quelque chose, c'est devenu trop cher. On va dire quoi? « Ghala ou al-fahish ». C'est trop cher. C'est clair? Donc, quelque chose qui est dégueulasse, qui est répugnant, aussi en... Ça fait référence à al-tafahush, al-qawl al-fahish. Parfois on dit al-qawl al-fahish, c'est quoi? C'est les gros mots. C'est les gros mots. Donc, si on va donner un exemple, ok? Si tu vas parler de façon très méchante envers quelqu'un, injustement, tu vas lui parler de façon très méchante. Tu es telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose, et tu es comme ça, et comme ça. Mais tu n'as utilisé aucun gros mot. Rien de dégueulasse dans les paroles. Ça, à un certain seuil, ça peut, est-ce qu'on est d'accord que ça peut être un péché majeur? Si tu as vraiment, tu as dépassé les limites, tu as causé beaucoup de tort à cette personne-là, de façon injuste, devant d'autres personnes, autre chose, ça peut être quoi, un péché majeur, min al-kabair. Mais si quelqu'un va avoir recours en plus de ça, à beaucoup de gros mots, là c'est un péché majeur, et en plus de ça c'est quoi? C'est fawahish. C'est clair, on est entré aussi dans le domaine ici des fawahish. Donc, fawahish, c'est tout ce qui est répugnant, tout ce qui est dégueulasse, trop, c'est trop. Quelque chose de négatif, mais qui est trop répugnante. Yadullu ala qubhin wa shana'atin. Oui. Selon ce qu'ils expliquent dans ce contexte, oui. Mais je ne peux pas, Allahu a'lam, je peux pas te dire comme ça. Je ne peux pas te répondre ça et te garantir ça. Mais dans le contexte de cette ayat, tu vas voir, les ulama, ils disent que c'est oui, dans le contexte de cette ayat. En général, je ne sais pas, Allahu a'lam. أي الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب ويبتعدون عن الفواحش كالزنا وعمل قوم لوط. Alors Allah Ta'ala ici il décrit الَّذِينَ أَحْسَنُوا comme étant ceux qui s'éloignent des péchés majeurs et aussi de الفواحش. Ils disent comme la fornication, الزنا, ainsi que les actions de قوم لوط, عياذ بالله تعالى. في قوله سبحانه وتعالى طيب إذا ذكرت الكبائر فما الفواحش بعدها. Donc là, on va juste lire okay, de façon un peu aléatoire, pas nécessairement de façon structurée, mais différentes paroles des mufassirines sur Fawahish Kaba'ir, ça va nous renseigner, nous ajouter des choses très très intéressantes, Inch'Allah Azza wa Jal. قِيلَ الْكَبَائِرُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِيهَا مِنْ مِقْدَارِ السَّيِّئَ. Donc une autre façon ici d'expliquer les choses, c'est que Al-Fawahish ou Al-Kaba'ir, c'est quasiment la même chose ici, mais c'est juste que c'est deux façons d'exprimer deux aspects différents. De un, al-kaba'ir, isharatun ila ma fiha min miqdari as-sayyi'a. Lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de al-kaba'ir ici, ça c'est pour apporter notre attention sur la grandeur de la chose, la quantité, parce que kaba'ir ça vient de kabir, quelque chose de grand, c'est-à-dire tu viens de faire quelque chose de grand. Kabiratun, ça réfère à la quantité, la grandeur de la chose. والفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح. Tandis que le mot فواحش ici porte notre attention sur le caractère, encore une fois, répugnant de l'action. Donc l'action, Allah Ta'ala nous avertit contre telle et telle autre action. De un, parce que là c'est grand. La personne, elle a franchi. Donc, il y a un certain seuil. On va voir tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi la définition, selon certains ulama, de kaba'ir, péché majeur et péché mineur. Mais il y a des excès dans la vie. Après ça, il y a certains excès qui dépassent une certaine limite. Il y a toujours une certaine limite où ça devient quoi? Trop. Quelqu'un, il fait comme, si on parle, c'est des règles qu'on a autour de nous. Quelqu'un il fait un excès de vitesse, il dépasse la limite de vitesse. Ça arrive, les gens font ça quoi? Fréquemment. Mais à un certain seuil, au-dessus par exemple de 50 km d'excès de vitesse, là on est entré dans un mode différent, terrain différent complètement. Plus de 50 km d'excès de vitesse, qu'est-ce qui arrive? $10,000 d'infraction, saisie du véhicule tout de suite, suspension du permis de conduire. Donc là, c'est différent. C'est pas juste excès de vitesse, la personne va recevoir une amende. Donc là, c'est devenu grand. Kaba'ir, c'est une référence à ce qui est grand. Fawahish, c'est une référence à ce qui est répugnant. Ça peut être dans la même action. C'est clair? Alors il dit ici كأنه قال عظيمة المقادير قبيحة الصور. C'est comme si Allah Ta'ala nous dit que ça c'est quelque chose de grand et dans son apparence aussi c'est quelque chose qui est répugnant, qui est dégueulasse. والفاحش, donc ça est mentionné. ولهذا لم يقل الفواحش من الإثم وقال في الكبائر كبائر الإثم لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود بخلاف الفواحش. Donc là, regardez. Lorsque Allah عز وجل il dit, ils évitent les كبائر. Allah تعالى il a dit quoi? الكبائر de الإثم. On a dit péché. Parce que si Allah تعالى avait dit seulement كبائر, كبائر de quoi? Les grandes quoi? Peut-être les grandes bonnes œuvres. Donc le mot كبائر, c'est grand quantité, mais ça ne fait pas référence nécessairement à une connotation qui est négative. Allah Ta'ala, il l'a lié avec al-ithm, péché, pour que ce soit quelque chose de clair. Fawahish, c'est une connotation négative par soi. Allah Ta'ala n'a pas dit fawahish al-ithm, les fawahish des péchés. C'est clair? عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب أبخس في قول الله تعالى كبائر الإثم والفواحش أن الكبائر تختلف وأن الفواحش تختلف لأن الكبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة والفواحش كذلك. Donc là aussi lorsque Allah عز وجل dit الكبائر, كبائر c'est grand, ça fait référence à une grandeur. Donc de ce sens ici ils disent les ulama, de ce fait, c'est quelque chose qui est variable. Même les fawahish ne sont pas toutes au même niveau. Les fawahish, c'est la même chose. Le plus que l'action, elle commence à devenir grande, le plus qu'elle est pire auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le plus que l'action, elle est répugnante, le plus aussi qu'elle est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils disent ici quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de الزنا إنه كان فاحشة. C'est une fahisha. Et Allah عز وجل il a dit à propos, malgré que tout ça c'est des péchés majeurs, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. N'épousez pas ce que vos pères ont épousé. Lorsque Allah عز وجل a mentionné la ayah sur المحرمات من النساء, les femmes qui sont tes mahram, que c'est interdit, tu ne peux pas les marier, que entre autres c'est la femme de tes pères, ça va être ton père, ton grand-père, s'il a épousé une femme avant toi, tu ne peux plus l'épouser après ça. Dans le jahiliya, c'était une chose que peut-être les gens de jahiliya le faisaient, mais Allah Ta'ala il l'a interdit. Et il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, que c'est fahisha, c'est maqt, la colère d'Allah Azza wa Jal, et c'est sa asabila. Aussi, lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous parle de qawmu Lut, le peuple de Lut, qu'est-ce que Lut, alayhi salam, il leur a dit? Ata'touna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadim min al-alamin. Vous commettez une fahisha, qu'il n'y a personne avant vous dans l'histoire qui a fait ça. Donc, c'est pire que d'autres fawahish qui ne sont pas si pires que ça. Donc, la même œuvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, il a an yazniya rajulu bi'ashri niswatin khayrun lahu min an yuzaniya halila tajarihi, ou comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un commet az-zina avec 10 femmes, c'est moins pire que de commettre az-zina avec l'épouse de son voisin, dans Sahih al-Bukhari. Donc même les fawahish et les péchés majeurs, quoi, elles sont, il y a une graduation là-dessus. Il y a des fawahish qui sont plus grandes que d'autres, des kaba'ir qui sont plus grands que d'autres, et ainsi de suite. لكن بعضها أعظم من بعض فرق الله عز وجل بينها. نعم. طيب après ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit إلا اللمم. Excepté quoi? اللمم. Donc c'est là comme on a mentionné où vertueux, ça veut dire, selon le dictionnaire, la personne qui ne commet pas de péché. Pas dans l'islam. Allah Ta'ala, il dit, excepté al-lamam. Alors, c'est quoi al-lamam exactement? Ay sigar al-dhunub. Ay sigar al-dhunub. Donc, première interprétation que nous avons ici de al-lamam, c'est les péchés mineurs. Min alamma bishay. Ça vient de alamma bishay. C'est quoi alamma bishay? Ay إذا لم يتعمق فيه ولم يلزمه. C'est lorsque quelqu'un ne s'est pas attaché à la chose. On va dire alamma, quelqu'un était de passage, il m'aime, عنده إلمام بهذا الأمر. On va dire parfois même dans l'ilm, dans la connaissance, connaître un domaine. On va dire عنده إلمام. Il a une connaissance un peu générale de ce domaine. La mécanique, je ne suis pas un expert, mais عندي إلمام بهذا الأمر. Quelqu'un va dire j'ai quelques connaissances comme superficielles. J'ai certaines relations, certaines connexions superficielles avec la mécanique. ألم بهذا العلم. C'est pas quelqu'un qui est dans la profondeur. C'est clair. وأصل اللمم ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له عادة ولا إقامة ولا هو مقيم عليه. Donc ici ils disent اللمم en termes d'action, c'est ce que la personne elle fait de temps à autre et que ça ne fait pas partie de ses habitudes. Elle n'a pas une présence constante dans cette action-là. لَيْسَ مُقِيمًا عَلَيْهِ. C'est pour ça qu'il dit ici إِلَّا صَغَائِرَ الذُّنُوبِ دُونَ إِصْرَارٍ عَلَيْهَا فَهِيَ مَعْفُوٌ عَلْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُخْرِجٍ لِصَاحِبِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْسِنِينَ. Donc ici, il y a excepté pour اللَّمَم. Les ulama, ils disent, ça veut dire excepté pour les péchés mineurs, ça c'est numéro 1, مِنْ غَيْرِ Israrin, sans qu'il n'y ait de israr. C'est quoi le mot israr? Qu'est-ce que ça veut dire? Israr, avec le sad, pas avec le sin, ok? Israrun. La persistance. Donc, l'israr, c'est de façon régulière. Si il y a un péché mineur et qu'il n'y a pas de israr, ça rentre dans quoi? Dans al-lamam. فَهِيَ مَعْفُوٌ عَنْهَا. Auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est, c'est le même là, sans quoi? Pardonnable de un. Et de deux, لَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْسِنِينَ. Ça n'exclut pas la personne de ceux qui sont vertueux, ceux qui sont bienfaisants, ceux qui sont muhsinin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est juste ici dans le domaine de اللَّمَمْ. وممن قال بأن المراد باللمم صغائر الذنوب ابن جرير والواحد والقرطبي وابن كثير وابن عاشور وابن عثيمين. Donc tous ces savants là, ils ont adopté l'opinion qui dit que al-lamam, c'est ça, c'est les péchés mineurs mais sans persistance. وقال ابن رجب في تفسير اللمم قولان للسلف. Si je me rappelle bien, je pense qu'on a étudié cette citation ici dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, les grands hadiths, mais on la rappelle ici dans un contexte différent. Imam Ibn Rajab rahimahullah, il dit que les salafs, ils ont deux opinions principales à propos de c'est quoi al-lamam. قال بعضهم مقدمات الفواحش وهو ما دون وعن ابن عباس ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا. Donc la première opinion ici, c'est que al-lamam, selon certains salafs, c'est ce qui est, comment on peut dire ça, les مقدمات, les portes d'entrée vers les fawahish, mais qui n'arrivent pas vers al-fawahish. Donc ça c'est al-lamam. La deuxième, le deuxième sens de ici de al-lamam chez les salaf radiyallahu ta'ala anhum, انه الالمام بشيء من الفواحش والكبائر مره واحده ثم يتوب منها. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ici à propos de al-lamam? Quels sont les sens qu'on a couverts jusqu'à maintenant? Qui peut nous rappeler? Soit c'est les péchés mineurs, sans persistance, barakallahu fik, ou les débuts vers al-fawahish. Et même ça, on pourrait l'introduire, on pourrait le mêler avec la première opinion. Les débuts vers al-fawahish, en général, c'est les péchés mineurs. Donc là, on va ajouter encore une fois la même condition, qui est sans persistance, sans persistance. La deuxième opinion ici, dans l'explication de al-lamam, comme il dit l'imam Ibn Rajab, selon plusieurs des salafs, selon plusieurs des ulama de tafsir, al-lamam ici, regardez, on a inqita'un munfasil, inqita'un ou istitna'un munfasil, istitna'un muttasil. On a exception, l'exception qu'on appelle muttasil. Il y en a qui, celle qui est quoi? Munfasil. Muttasil, c'est ce qui est lié. Munfasil, ce qui est quoi? Externe, séparé, indépendant. On va donner un exemple. S'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui qui s'appelle Ali, je peux dire, donner à tout le monde un cadeau, sauf à Ali. Là, c'est quoi? Quel type de istitna? Muttasil, c'est lié. Donc, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant. Donner à tout le monde, on a compris, sauf Ali. Ali fait partie de l'ensemble. Il est lié à l'ensemble, donc on a fait exception. Ali, il ne faut pas lui donner. Et c'est ça habituellement l'exception, al-istitna. Mais parfois, on va avoir recours à istitna, quoi? Munfasil. Ali, il ne fait... Il n'y a pas d'Ali ici, c'est quelqu'un de l'extérieur, loin. On va dire quoi? Donner à tout le monde ici, sauf Ali. Même si Ali n'est pas ici. Donc, ce n'est pas une exception du monde qui sont présents ici, mais je voulais que ce soit clair que Ali, lui, il n'a pas droit à ça. Même s'il ne fait pas partie de l'ensemble, c'est clair. Donc, on appelle ça istitna'un munfasil. Ça, c'est une exception qui est externe, qui est indépendante, qui est séparée. Donc, si on va dire الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش sauf اللمم, et que اللمم c'est les péchés mineurs, là le lamam serait quel type d'exception? Munfasil, séparé. Allah Ta'ala il dit ceux qui évitent les péchés majeurs ici, kabair, fawahish, les turpitudes, sauf les péchés mineurs. Donc là, Allah Azza wa Jal, il mentionne une exception qui est à l'extérieur du domaine de ce qu'ils évitent. Mais c'est pour mettre au clair que ça, Allah Ta'ala, il pardonne. Selon le deuxième tafsir, si on dit « Al-lamam », c'est péché majeur, là, ça serait quel type d'exception? Muttasil. Ça, c'est une exception de l'ensemble en tant que tel. C'est lié. Allah Ta'ala dit que les muhsinin, ils évitent les péchés majeurs et les fawahish, sauf les lamam. La deuxième opinion ici nous dit quoi? Les lamam, c'est péché majeur aussi. Mais avec condition ici. Il a dit ici, « وَهُوَ ثُمَّ هُوَ الْإِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْكَبَائِلِ مَرَّةً وَاحِدًا » C'est si quelqu'un commet péché majeur, kabair, ou fawahish, une seule fois. Encore une fois, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas fréquent, ce n'est pas de la nature de la personne. C'est arrivé une fois ou rarement. Là, ça revient encore une fois au sens de quoi? De al-lamam dans la langue arabe. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure sur al-lamam dans la langue arabe? Pas beaucoup de connexions, c'est superficiel, comme on a dit. Lamam, c'est très... C'est pas vraiment lié. Alamma bishay. Min alamma bishay, comme on a dit tout à l'heure, les ulama ils disent alamma bishay, ça veut dire il a un lien très très... de passage, venu et après ça parti. Mais là, ils disent quoi ici? Bien sûr. Wa man fassara al-ayata bihada قال لا بد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات فإنه لم يشترط توبة. Il dit ici les ulama, Imam Ibn Rajab il dit, selon cette deuxième, ceux qui ont dit que al-lamam c'est les péchés majeurs, donc de un, il faut que ce soit une fois ou très rarement, et de deux, il faut que ce soit suivi par quoi? Par at-tawba, par le repentir. Tandis que ceux qui ont expliqué al-lamam par les péchés mineurs, ils n'ont pas à citer le repentir. C'est clair. Donc, dans les deux cas, il faut qu'il n'y ait pas de persistance. C'est quelque chose de rare. Dans le cas des péchés majeurs, certainement beaucoup plus rare que dans le cas des péchés mineurs. Mais aussi... Dans les péchés majeurs, il faut ajouter la condition de at-tawba, du repentir, pour que ça rentre ici dans le sens de Al-Lamam, que Allah Ta'ala, il pardonne de un, et qu'il n'exclut pas la personne du domaine des muhsinin, de ladina ahsanu, ceux qui sont bienfaisants. C'est pour ça il dit l'imam Ibn Rajab, wa dhahiru anna al-qawlayn sahihan wa anna kilayhima murad min al-aya. Imam Ibn Rajab rahimahullah, il dit que l'apparence des ayats du Coran, c'est que les deux opinions sont valides. Donc de ce fait, on va donner ici une définition plus générale de al-lamam. Illa al-lamam, le lamam ici c'est tous les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, avec la condition qu'il n'y ait pas de persistance et que ce soit rare, et encore plus rare dans le cas des péchés majeurs. C'est pour ça que certains ulama, ils ont dit « Alamma bihi marratan wahida » une seule fois. Ici, ça veut dire une seule ou ce qui c'est quasiment juste une fois si ça arrive. Et aussi les ulama, ils ajoutent dans le cas des péchés majeurs, il faut que ce soit suivi par une tauba, par un repentir qui est sincère. فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها. Alors dit ici l'imam Ibn Rajab rahimahullah, al-muhsin, le bienfaisant, c'est celui qui ne commet de péché majeur que très rarement et qui le fait suivre par un repentir. Et celui qui من إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة لها, que celui qui commet, s'il commet un péché mineur, ce péché mineur-là, s'il lui arrive de commettre des péchés mineurs, eh bien ce sera marmour. C'est quoi marmour? Ce sera inondé par ses bonnes œuvres, par ses hasanat. وَلَا بُدَّ لَا يَكُونَ مُصِرًا عَلَيْهَا. Et aussi à condition que ce ne soit pas de façon avec la persistance, avec le israr, parce que dans surat Al-Imran, ayat numéro 135, Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils ne font pas le israr sur ce qu'ils ont fait. Sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.